Plus de 34 ans après, on attend toujours la vérité. Et cela, malgré la décision de Tony Blair en 1997 de nommer une commission d'enquête sur ces événements tragiques, c'est dire si le sujet est sensible. Je veux bien sûr parler du Bloody Sunday, le dimanche sanglant de Derry. Une tache indélébile sur le drapeau de l'armée britannique, quelles que soient les conclusions qui se font toujours attendre de cette commission. Car il apparaît bien que ce jour de janvier 1972, les paras ont tiré délibérément sur des manifestants catholiques irlandais qui n'étaient pas armés. Bilan, 14 morts et de très nombreux blessés. Mais les soldats britanniques ont-ils agi sur ordre ou bien ont-ils cédé à l'affolement? Et s'ils ont réellement reçu des ordres, qui les a donnés? Ce sont quelques-unes des questions que j'ai eu envie de poser à M. X après avoir revu sur Arte le remarquable film de Paul Greengrass, Bloody Sunday, une reconstitution précise et terriblement réaliste des événements. Il faut ajouter que malgré l'apaisement qui s'esquisse en Irlande du Nord, cette affaire demeure une plaie ouverte pour la plupart des républicains de l'Ulster, et qu'une véritable coexistence pacifique entre catholiques et protestants ne pourra pas durablement s'établir tant que la vérité sur le Bloody Sunday n'aura pas émergé. Avant de revenir sur les faits eux-mêmes et le contexte, un mot. La commission d'enquête actuelle qui travaille depuis 9 ans et a déjà recueilli des centaines de témoignages n'est pas la première. Aussitôt après le massacre du Bloody Sunday, le gouvernement conservateur britannique a demandé à un personnage éminent, Lord Widgerly, de rédiger un rapport sur les événements. Après avoir entendu des témoins, naturellement, ouais. À l'exception notable des familles de victimes et des blessés. Ah oui, quand même. Et puis, disons-le tout de suite, cette première enquête est bâclée, ce qui permettra à Lord Widgerly de blanchir complètement l'armée. Oui, mais avec quels arguments alors? Pour lui, les soldats qui ont ouvert le feu sur les manifestants avaient de bonnes raisons de croire qu'ils étaient eux-mêmes pris pour cible. Oui, alors, en somme, légitime défense. Quoi. Oui, et 6 mois plus tard, le lieutenant-colonel qui commandait les paras sera décoré par la reine. Il faut aussi ajouter que ni le gouvernement de sa gracieuse majesté, ni les responsables de l'armée ne présenteront d'excuses aux familles des victimes ou aux blessés. Alors, il faudra donc attendre 1997 pour que Tony Blair décide de rouvrir le dossier. Mais parce qu'il sait bien qu'une résolution du conflit nord-irlandais ne peut pas faire l'impasse sur cette tragédie. Mais on attend toujours les conclusions de cette deuxième commission d'enquête. Vraisemblablement parce que celles-ci seront accablantes pour Londres. N'allons pas trop vite. Évidemment. Alors, en attendant ces douloureuses conclusions, ce sont surtout des journalistes qui ont enquêté et levé le voile sur les mensonges des acteurs britanniques de cette affaire, militaires ou civils. Les journalistes et bien sûr les Irlandais du Nord, forcément les plus concernés. Alors, bon, par où commençons-nous là? Écoutez, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire, et pourtant, pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps. C'est le roi Henri VIII qui décide d'anglicaniser l'Irlande. Mais les catholiques opposent une vive résistance, en particulier au Nord. C'est-à-dire dans la province d'Ulster. C'est ça. Ouais. Et au début du XVIIe siècle, le roi Jacques Ier, pour venir à bout de cette violente opposition, décide de coloniser l'Ulster en y envoyant des émigrés anglais et écossais. Ouais, des protestants anglicans, donc. En effet. Et les guildes londoniennes sont de la partie. Les guildes, c'est les corporations, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Elles investissent dans la colonisation. Et c'est ainsi que la ville de Derry devient Londonderry. Ouais, une appellation que refusent toujours les catholiques. Et pour eux, Derry est toujours Derry. Tout cela ne va pas sans violence interreligieuse, bien entendu. Et à la fin du siècle, lorsque le roi Jacques II, qui, lui, a choisi le catholicisme, se rend dans l'Irlande, des protestants s'emparent des clés de la ville et s'enferment derrière les murailles de Derry. Il s'ensuit un siège interminable et la mort de milliers d'assiégés affamés. Et les autres ne seront sauvés que par l'intervention de Guillaume d'Orange, prince protestant qui, entre-temps, a démis Jacques II et lui a ravi la couronne. Ouais. C'est pourquoi les protestants de l'Ulster se nomment aussi orangistes. Exactement. Ouais, ouais. Et ils continuent à célébrer cet événement en organisant des marches qui sont vécues comme autant de provocations par les catholiques de Derry. Passons, Sur les deux siècles suivants, où se creuse le fossé entre les deux communautés catholiques et protestantes, que l'on nommera aussi au XXe siècle républicaine et unioniste. Républicaine, catholique et unioniste protestante. Mmh. Mais ce fossé-là, comment s'explique-t-il ? Sans trop exagérer, il faut dire que les catholiques s'appauvrissent. D'ailleurs, nombre d'entre eux émigreront la plupart du temps vers les États-Unis. Et tandis que les protestants s'enrichiront. Et ça se traduira aussi par la géographie. Les protestants habitent plutôt le centre de Derry, où ils se font construire de belles maisons, alors que les catholiques sont rejetés à l'extérieur dans des quartiers qui deviennent de véritables ghettos, comme le Bogside, par exemple. Autant de tensions qui vont être exacerbées par la guerre civile au début du XXe siècle. Mais qui va aboutir, guerre civile qui va aboutir à la partition de l'île. Oui, en 1923. La plus grande partie de l'Irlande devient indépendante. Mais les nationalistes catholiques de l'Ulster se sentent trahis. Et même si l'IRA a alors pratiquement disparu, elle renaîtra dans les années 60 à cause des discriminations dont les catholiques s'estiment victimes. Des discriminations de quel ordre ? Elles sont nombreuses, hein. Politiques d'abord. Les catholiques sont considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire là ? Le système électoral est ainsi fait que les catholiques sont sous-représentés au Parlement et qu'ils sont de fait écartés du pouvoir au profit des orangistes. Mais je ne veux pas entrer dans les détails, ça serait trop compliqué. D'accord, mais avant de poursuivre là, quel est le poids démographique de chacune des communautés ? Au début des années 70, les années qui nous intéressent, les catholiques représentent un peu moins de 40% de la population de l'Ulster. Mais le taux de fécondité étant plus important chez eux que chez les protestants, ils ne cessent de progresser en pourcentage. Alors, revenons à ce que je disais. Oui, les discriminations. Oui, oui. Mmh. Elles sont aussi d'ordre économique et social. Les patrons, qui sont surtout protestants, répugnent à embaucher les catholiques. Il en va de même dans la fonction publique où les unionistes sont tout puissants. Conséquence logique, le taux de chômage est très élevé dans la communauté catholique. D'autre part, cette discrimination existe aussi dans l'attribution des logements sociaux qui bénéficient d'abord aux protestants. Autre exemple, la police, qui est presque exclusivement composée d'unionistes. Oui, ça doit susciter le ressentiment de l'autre camp. Hein. Ah, et forcément, d'autant que la province vit sous une véritable dictature policière. Oh là là, vous forcez le trait, là. La Grande-Bretagne, tuteur de l'Ulster, est quand même une démocratie où les droits de l'homme sont respectés. Ah oui, mais pas en Ulster. Le ministre de l'Intérieur nord-irlandais jouit de pouvoirs exorbitants. Et c'est d'ailleurs ce point particulier, la revendication pour l'égalité des droits civiques entre les deux communautés, qui sera à l'origine du drame du Bloody Sunday. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, les catholiques supportent de plus en plus mal cet état d'infériorité où ils sont confinés. Et au cours de la deuxième moitié des années 60, la tension monte peu à peu. Et ça se traduit comment ? Par des manifestations pacifiques. C'est là qu'on voit apparaître l'une des passionnariats du mouvement pour les droits civiques, l'étudiante Bernadette Devlin. Qui a été plus tard élue à la Chambre des communes. Et aussi internée. Ouais. Ces marches sont réprimées sans ménagement par la police aux mains des unionistes. Mais rapidement, des paramilitaires protestants s'en mêlent et on assiste à d'authentiques pogroms anticatholiques, sans que la police intervienne. Bien au contraire. Elle lance dans la bagarre des volontaires protestants, des auxiliaires de police extrêmement violents, qui tuent plusieurs catholiques au cours de l'année 1969. J'ajoute que les paramilitaires unionistes commettent aussi des attentats à la bombe, extrêmement meurtriers. Et l'IRA, alors ? Encore moribonde, elle songe surtout à se réorganiser et à protéger les quartiers catholiques. À Derry, le Bogside se couvre ainsi de barricades et devient ce que les républicains appellent un quartier libre, où la police ne pénètre plus. Mais bientôt, l'IRA va passer plus directement à l'action. En pratiquant le terrorisme, sa branche aussi. Sa branche la plus dure, celle qu'on appelle l'IRA provisoire et qui va supplanter l'IRA officielle, beaucoup plus légaliste. Les provos, comme on les appelle, perpètrent près d'une centaine d'attentats en 1970. Et leurs snipers ne vont pas tarder à tuer des soldats britanniques. Et comment réagit-on à Londres, alors ? Le Premier ministre travailliste Harold Wilson est bien embarrassé. Il a d'abord envoyé des soldats chargés de s'interposer entre les deux communautés. Mais tout en prônant l'égalité de traitement entre catholiques et protestants, il a aussi réaffirmé solennellement que l'Ulster était partie intégrante de la Grande-Bretagne. Alors, pas question de céder aux républicains catholiques qui demandaient, enfin j'imagine, leur rattachement à l'Irlande du Sud. Hein. Et ça a au moins deux conséquences. L'armée britannique, venue séparer les deux camps, va devenir peu à peu une force d'occupation chargée de maintenir un ordre que le gouvernement orangiste ne peut plus assurer. Ensuite, cette même armée adopte des méthodes purement colonialistes pour lutter contre la subversion catholique qui gagne en importance. Est-ce qu'il veut dire alors ? Des transferts de population, par exemple. Des milliers de familles catholiques sont déplacées. Mais c'est surtout la pratique de l'internement systématique qui va déclencher la colère des républicains. C'est-à-dire Des internements sans procès. Ce qui va alors à l'encontre de toutes les traditions judiciaires britanniques. Oui, mais c'est l'état d'exception qui donne les pleins pouvoirs à la police et à l'armée. Une pratique qui permet toutes les dérives. Monsieur X a évoqué précédemment Bernadette Devlin. Dans un livre écrit en 1969, « Mon âme n'est pas à vendre », elle évoque un de ces violents affrontements qui voyaient les unionistes les plus ultras s'en prendre aux marcheurs catholiques à coups de planches cloutées. Je la cite. Elle vient alors d'être sévèrement battue par des protestants. Lorsque le calme fut revenu et que 5 secondes eurent passé sans rien sentir, je me décidai à relever la tête. Je risquais un timide coup d'œil autour de moi, me protégeais à nouveau d'un ennemi qui, en passant, m'envoyait une taloche, puis je me relevais. Ce qui avait été un cortège était en lambeaux. Les premières rangées étaient parvenues à passer en vitesse au moment de l'attaque. Elles avaient évité l'embuscade et continué leur chemin sans encombre. Tous les autres étaient étalés aux alentours, comme moi. Les assaillants poussaient les manifestants dans le fossé et au-delà des fossés, ils les poussaient dans la rivière. Les autres étaient poursuivis à travers champs et dans les bois. D'autres avaient été coincés sur la route et recevaient sur place des raclées soignées. Comme je me relevais toute tremblante et regardais autour de moi, je vis un jeune garçon que 5 assaillants battaient sous les yeux d'un policier. Celui-ci poussait devant lui des manifestants blessés afin qu'ils rejoignissent ceux qui allaient de l'avant et il ne faisait rien pour empêcher cette brutale agression. « Mais qu'est-ce que vous foutez, que diable ? » lui criai-je. Sur quoi, il me repoussa rudement en disant « Va rejoindre le reste de tes copains sur la route, stupide garce !» Pour être tout à fait précis, il me faut dire que cette pratique de l'internement sans procès sera adoptée et appliquée sous le gouvernement conservateur d'Edward Heath, qui a vaincu les travaillistes d'Harold Wilson en juin 1970. Quoi qu'il en soit, cette mesure sur laquelle je vais revenir fait partie de l'arsenal répressif toujours plus dur utilisé contre les nationalistes et l'IRA. Ainsi, début juillet 1971, l'armée britannique reçoit l'autorisation de tirer contre les militants de l'IRA. C'est l'escalade et la bavure assurée. Ce qui se produit ? En ce même mois de juillet, 2 jeunes hommes sont tués. Le problème, c'est qu'ils n'étaient ni armés, ni membres de l'IRA. Et il apparaît assez vite qu'ils ont été abattus pour faire un exemple. En tout cas, ça provoque une vague de protestations sans précédent. Non seulement dans les ghettos catholiques, mais aussi chez les éléments républicains les plus modérés, comme ces nouveaux venus sur la scène politique nord-irlandaise, les réformistes du SDLP, des partisans du combat électoral qui refusent la lutte armée. Alors, la tension monte encore d'un cran. Et dans le même temps, le chef du gouvernement unioniste, Brian Faulkner, demande au nouveau Premier ministre britannique l'autorisation de pouvoir interner administrativement les militants supposés appartenir à l'IRA. Donc, des internements effectués sans aucune décision judiciaire. Sans procès, c'est ça. Et remarquez-le bien, ce n'est pas une première. Pour les Irlandais ? En effet, régulièrement. Le gouvernement de Londres a appliqué une telle mesure au nom du Special Power Act adopté en 1922 en pleine guerre civile. Il ne faut jamais oublier que ce sont les Britanniques qui ont inventé le système des camps de concentration. D'abord, au début du XXe siècle, dans la guerre contre les Boers en Afrique du Sud, puis plus tard au Kenya pour lutter contre les rébellions indigènes. Ouais. Pour reconnaître que la France n'a pas hésité non plus à parquer dans des camps les républicains espagnols, par exemple. Ou les Allemands réfugiés chez nous avant la Seconde Guerre mondiale. Je suis tout à fait d'accord. Mais revenons à l'Irlande. Edward Heath, ayant donné son accord à Faulkner, l'armée britannique et la police de l'Ulster passent rapidement à l'action. et appréhende des centaines de personnes qui sont aussitôt internées. L'objectif étant de démanteler les structures des deux Irains. Mmh. Avec quel résultat ? Mitigé, très mitigé. D'abord parce que ces arrestations sont faites à tort et à travers. Pourquoi ? Par manque de renseignements. Oui. Ouais. L'IRA, aussi bien officielle que provisoire, vient juste de ressusciter et la police n'a pas encore eu le temps d'identifier ses militants. Ensuite, ces internements arbitraires ne font que susciter non seulement la colère des catholiques, mais aussi leur soutien au mouvement nationaliste. Alors, contre-effet. Oui. Et les quartiers catholiques se couvrent de barricades. C'est un vrai fiasco. Et cet échec est alimenté par les informations qui proviennent des camps d'internement, où il est avéré qu'on pratique la torture pour faire parler les prisonniers. Ah oui, les obliger à dénoncer leurs frères de combat. Ah, et c'est malheureusement la vérité. Tout cela fait qu'on assiste alors à la naissance d'une vraie résistance civile, contre le gouvernement unioniste, mais aussi contre l'occupant britannique, dont quelques soldats tombent sous les balles des hommes de l'IRA provisoire. L'IRA provisoire qui s'impose peu à peu comme le véritable fer de lance de la résistance et monte en puissance en multipliant les coups de main et les actions de guérilla urbaine. Mais face à cette agitation grandissante, que peut faire Londres ? Renforcer le contingent militaire sur place. Mais il est clair que cette politique répressive ne fait qu'accroître la rébellion. C'est classique. Et on note que la classe politique britannique, d'abord pratiquement unanime. Oui, c'est-à-dire conservateur. Et travaillistes mêlés. C'est ça, mais ça ne dure pas. Les travaillistes commencent à faire bande à part et dénoncent en particulier les mesures d'internement. Harold Wilson estime en effet que la politique de son adversaire conservateur risque d'atteindre un point de non-retour et d'aboutir à une conflagration généralisée sur tout le territoire de l'Ulster. Car malgré les fanfaronnades des stratèges conservateurs qui affirment que l'IRA a été démantelée, il est évident qu'il n'en est rien. Et que, pour reprendre l'expression de Mao, l'organisation nationaliste évolue comme un poisson dans l'eau parmi la population catholique. Avec quels résultats concrets quand même ? Les bombes, les sabotages, des centaines d'attentats perpétrés chaque mois. Autant d'opérations qui obligent l'armée britannique à se disperser sur tout le territoire. Londres doit dorénavant faire face à une véritable insurrection. Oui, avec tous les risques que cela comporte. Et bientôt, ce sera le Bloody Sunday. Ouais. Un mot tout de même, avant d'en venir à ce drame-là. Pour mener une telle activité, l'IRA doit bénéficier de soutiens importants, non ? Mais il les trouve tout naturellement dans la population, mais aussi à l'extérieur, et tout particulièrement aux États-Unis, où se trouve une considérable communauté irlandaise qui contribue financièrement à son action. Enfin, et ce n'est qu'un commencement, les républicains irlandais nous d'étroites relations avec un certain nombre de mouvements étrangers engagés aussi dans des luttes semblables, les Palestiniens entre autres. On a parlé aussi de la Libye. Et de l'ETA basque qui lutte alors contre Franco. Mais en 71-72, nous n'en sommes qu'au début de la renaissance de l'IRA. Et cette armée clandestine qui se constitue peu à peu ne doit pas encore avoir les moyens d'une politique internationale ambitieuse. Tenez, si ça vous intéresse, je peux vous dire que les services français se sont occupés de l'IRA. Ah oui, le SDEC ? Non, la DST. Le contre-espionnage, mais pourquoi ? Parce que des exilés bretons en Irlande ont servi de trait d'union entre les nationalistes de l'IRA et les séparatistes du FLB. Ouais, le Front de Libération de la Bretagne. Oui, enfin, vous savez que cette organisation, malgré quelques attentats spectaculaires, restera toujours corpusculaire. Oui, il sera même infiltré par la DST. Vous m'avez déjà parlé de ce vrai faux plasticage qui a détruit une villa de Francis Bouygues. Oui, oui, alors passons, si vous le voulez bien. Et évoquons le Bloody Sunday. À côté des deux IRA, il existe aussi en Ulster des républicains qui ont choisi de lutter de façon pacifique contre l'injustice faite à la population d'origine catholique. Ouais, des non-violents. Et qui se réfèrent à Gandhi ou à Martin Luther King. Et ce sont ces gens-là qui vont organiser la grande manifestation de Derry du 30 janvier 1972 avec pour objectif la lutte pour les droits civiques et la libération des nombreux internés. Ouais. Une manifestation pacifique donc, mais l'IRA ne peut-elle être tentée de détourner cette marche non violente et d'en profiter pour attaquer les forces de l'ordre et surtout les soldats britanniques, hein ? Ah, le risque existe, c'est vrai, mais jusqu'alors l'IRA s'est toujours gardé d'exploiter ces manifestations et de se livrer à des provocations. Pourquoi ? Parce que des femmes, des enfants, des filles aussi, et le moindre incident pourrait dégénérer. Mais c'est pourtant ce qui va arriver. Oui, mais l'IRA n'y sera pour rien. D'ailleurs, les clandestins nord-irlandais ont passé un pacte avec les organisateurs de la marche. Leurs militants, qui défileront éventuellement, ne seront pas armés. Il n'en ira pas de même pour les soldats qu'ils rencontreront sur leur passage et qui vont tout faire pour s'opposer à la tenue de cette manifestation. Il faut en effet savoir que le gouvernement unioniste a fait passer une loi qui juge illégale toute manifestation et menace de 6 mois de prison ses participants. Mmh. Ces non-violents, alors, vont donc braver la loi. En toute connaissance de cause. Mmh. Et en face, on est bien décidé à user de la force. Un bataillon de paras a même été spécialement envoyé à Derry le matin même. Et des soldats qui n'ont pas la réputation d'être des tendres. Catholiques contre protestants. S'agit-il d'une véritable guerre de religion? Voici ce que je lis dans l'ouvrage collectif « Les mondes rebelles » publié chez Michalon. Il est plus souvent fait mention de catholiques contre protestants que de républicains contre unionistes. Pourtant, pour la majorité des habitants de l'Ulster, la différence religieuse entendue au sens strict du terme n'a guère de signification. Il n'en reste pas moins qu'en Irlande du Nord, les non-pratiquants et même les athées restent catholiques ou protestants. Chaque communauté possède sa propre représentation historique. Les catholiques se retrouvent pour célébrer leurs martyrs ou les victoires sur le colonialisme anglais. Le catalogue des brimades infligées par l'Angleterre à l'Irlande n'a, à leurs yeux, pas d'équivalent. Ils se considèrent comme des autochtones victimes de la colonisation. Les protestants, eux, fêtent joyeusement les victoires des Anglais sur les bandits irlandais. Ils se voient comme les descendants de colons ayant mis en valeur la province et sûrs de leur bon droit dans la mesure où ils restent majoritaires. Plus qu'une réelle guerre de religion, le conflit en Ulster apparaît comme l'opposition de deux communautés sur des lignes de clivage politique et social, mais qui ont assis leur identité sur des facteurs religieux. Malgré l'interdiction, malgré la présence des paras qui ont établi des barrages, ils sont quand même 20 000 manifestants à s'ébranler en ce début d'après-midi. Et à l'échelle d'une ville moyenne comme Derry, c'est très important. En effet. La marche doit se diriger vers l'hôtel de ville. Mais ses dirigeants, au vu des barrages mis en place par les soldats britanniques, et surtout les paras, décident en cours de route de changer la destination finale. Ah oui, pour éviter les provocations. C'est ça. Et ils décident de tenir un meeting final dans un terrain vague à quelques distances de la vieille ville. Toutefois, une partie des manifestants ne suit pas et décide de suivre le parcours original. Ici, il faut noter que les militaires présents un peu partout auraient pu dissuader ces irréductibles en tirant des grenades lacrymogènes, mais non. Tout se passe comme si on voulait qu'ils continuent leur chemin. Pour les faire tomber dans un piège. Ça y ressemble, et bientôt, ces manifestants se heurtent à un barrage tenu par les paras. Ils tentent de passer? Non, c'est impossible. D'autant que les paras disposent de blindés. Alors, on assiste à une scène relativement classique en Irlande du Nord. Les manifestants, parmi lesquels beaucoup de jeunes, commencent à caillasser les soldats. Oui, ceux-ci ripostent? Non, pas tout de suite. Mais après quelques instants, ils utilisent d'abord les moyens traditionnels. Grenades lacrymogènes, tirs de balles en caoutchouc, canons à eau, enfin. Mais les jeunes gens ne reculent pas. Alors soudain, c'est le drame. Des blindés foncent sur les manifestants et des paras en descendent en trombe. Et dès qu'ils sont à terre, ils commencent à tirer. Quoi, à balles réelles? Oui, pris d'une sorte de frénésie, ils tirent sur tout ce qui bouge. En particulier sur les fuyards qui seront donc atteints dans le dos. Atteints dans le dos, donc ces manifestants ne les menaçaient pas? Évidemment. Et on relèvera, je vous le rappelle, 13 morts et de nombreux blessés, dont l'un mourra un peu plus tard. Et comment, selon vous, là, expliquer cette sauvagerie? Les paras et leurs chefs diront qu'on leur a tiré dessus et qu'ils n'ont fait que riposter. Mmh. Oui, ça c'est la thèse, vous me l'avez dit, retenue par la première enquête. Or, ces conclusions seront complètement infirmées par les constatations effectuées sur place. Les manifestants n'étaient pas armés. On ne retrouvera sur place aucune arme, aucune munition, ni aucune bombe. Mmh. Ce sont donc alors les paras et eux seuls qui ont pris l'initiative de tirer. C'est certain. Mmh. Mais est-ce qu'on peut alors complètement exclure le fait qu'ils aient vraiment cru être attaqués par des manifestants armés? Pas tout à fait. Selon certains témoignages, des tireurs d'élite britanniques auraient été disposés en hauteur, sur des toits ou les murailles de la vieille ville. Si ces soldats ont ouvert le feu, les paras au sol auraient pu avoir l'impression qu'ils étaient pris pour cible. Oh, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Hein. Mais quand même, là, dans ce cas, les tireurs d'élite, là, on les aurait poussés à faire usage de leurs armes? C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Mais encore une fois, ça n'exonère pas l'armée britannique. Je vais vous en apporter la preuve. Ou plutôt les preuves, car elles sont nombreuses et concordantes. Et elles démentent en tout cas les premières déclarations des militaires qui, tout de suite après les événements, ont été invités par leur chef à mentir. Et à prétendre qu'ils avaient été attaqués. Naturellement. Ouais. À noter d'ailleurs que ces paras arrivés le matin même à Derry ont été aussitôt rapatriés en Angleterre. Ah ouais, de peur que l'un d'eux ne parle. Mais ça me paraît évident. Hein. Alors, vos preuves là? Ben, y a d'abord les bandes magnétiques. Quoi, des enregistrements, mais effectués par qui? Ben, l'un a été réalisé par l'IRA qui avait placé des micros dans une caserne où avait pris place le quartier général britannique. Des micros qui ont capté en particulier une conversation entre deux soldats. On apprend ainsi que le général commandant les opérations jubilait. Il aurait même ajouté que de son point de vue, c'était la meilleure opération qu'il ait vue depuis longtemps. En effet, pour cet officier supérieur, l'armée avait été jusque-là beaucoup trop passive. Ah, c'est troublant, hein ? N'est-ce pas, hein ? Et il n'y a aucun doute sur l'authenticité de cette conversation ? La bande a été transmise à la seconde commission d'enquête. À charge pour elle d'identifier ces deux militaires, mais je vous l'ai dit, cette commission se hâte, mais très lentement. Ouais. Autres enregistrements, hein ? Un deuxième, oui. Des échanges radio entre militaires captés par un radioamateur. On y entend un dialogue entre un soldat et son supérieur. Le premier dit qu'il est en ligne de mire un suspect, mais celui-ci ne semble pas être porteur d'une arme. Réponse du supérieur, tue-le. Ah, ça, c'est sans ambiguïté. Ouais. Troisième preuve. Un rapport secret révélé par le quotidien The Guardian. Un rapport signé par qui? Le général Ford. Celui-là même qui commandait à Derry. On y lit que cet officier supérieur estime que désormais les balles en caoutchouc et les gaz lacrymogènes ne suffisent plus à neutraliser ce qu'il appelle les jeunes hooligans de Derry. Il préconise donc, afin de restaurer la loi et l'ordre, d'identifier les leaders au sein d'une manifestation et de tirer sur eux. Ah oui, avec de vraies balles? Oui, mais attention. Ce brave général, soucieux de la vie humaine, recommande l'utilisation de balles de petit calibre afin que ces munitions, après avoir frappé leur cible, ne puissent poursuivre leur trajectoire. Ah oui, et blesser d'autres manifestants. Exactement. Or, lors de l'autopsie de l'une des victimes du Bloody Sunday, le médecin légiste a effectivement établi que l'homme avait été tué par une balle de petit calibre. Le général Ford aurait donc été entendu. C'est très vraisemblable. Ça voudrait donc dire que les paras, en tirant sur les manifestants, aurait obéi à des ordres. Oui, mais avant d'aborder ce point forcément le plus délicat, voyons quelles ont été les conséquences du Bloody Sunday. D'abord, il est apparu clairement que c'était une guerre à outrance qui s'engageait en Irlande du Nord. Une guerre entre les républicains et les forces britanniques. Hein. Et plus directement entre l'IRA et l'armée, souvent relayée par les milices protestantes extrémistes qui ne renonceront pas à leurs habituelles provocations. Quoi qu'il en soit, l'IRA est indubitablement sortie renforcée de ces dramatiques événements. Ce qui signifie que si des ordres ont vraiment été donnés pour tuer lors du Bloody Sunday, c'est une stratégie qui a échoué. Effectivement, car la résistance des catholiques était maintenant incarnée par l'IRA au détriment des opposants les plus modérés. Oui, ceux qui défilaient au nom du respect des droits civiques. Hein. Bien sûr, et désormais il en sera fini des grandes manifestations de masse. Ce sont les bombes qui parleront. Un terrible enchaînement d'attentats plus meurtriers les uns que les autres, et ça commencera presque immédiatement. Dès l'été 1972, l'IRA fera exploser simultanément 20 bombes à Belfast, ce qu'on appellera le Bloody Friday. Parce qu'il y aura des victimes. 9 morts, oui, et plus de 130 blessés. Enfin, dernière et importante conséquence, Londres va se trouver obligé de suspendre le Parlement d'Irlande du Nord. Ouais. L'Ulster sera donc, si j'ai bien compris, directement administré par le gouvernement britannique. En effet. J'ajoute que le Bloody Sunday a provoqué une formidable levée de boucliers contre la Grande-Bretagne dans le monde entier. Ouais. Alors, venons-en à la question essentielle, hein, mais je crois déjà deviner votre réponse. Qui est véritablement responsable de la tuerie du Bloody Sunday? En d'autres termes, les simples soldats ont-ils agi sur ordre? Oui, j'en suis persuadé. Reste à savoir si le gouvernement a ordonné à l'armée d'ouvrir le feu, ou si l'initiative revient à certains gradés. Le Premier ministre, Edward Hayes, a bien entendu décliné toute responsabilité. Mais enfin, ça me paraît un petit peu facile. L'armée britannique, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas une armée factieuse. Elle obéit. Donc vous pensez que c'est Londres qui a donné l'ordre? Je le crois. Londres qui voulait écraser la résistance des républicains et démanteler les zones libres existantes dans les quartiers catholiques de Derry. Londres qui voulait aussi couper l'IRA des masses républicaines en accusant l'organisation nationaliste d'être à l'origine du massacre. Londres, enfin, qui voulait faire peur à tous ceux qui prenaient la désobéissance civile et en même temps rassurer les unionistes. Ouais, leur prouver qu'on ne les lâcherait pas, quoi. Et quant aux paras, ils ont été d'autant plus enclins à faire usage de leurs armes qu'ils avaient subi un véritable lavage de cerveau. Leur chef leur avait appris que tout manifestant catholique était a priori un terroriste de l'IRA. Il faut aussi tenir compte du fait que beaucoup de soldats étaient déjà tombés sous les balles des tueurs de l'IRA. Donc ils avaient envie de se venger. Envie de tuer, oui, dès qu'on leur en donnerait l'autorisation. Ouais, en somme, d'après ce que vous dites, ils avaient été conditionnés, quoi. Un para qui a déserté 3 jours avant le Bloody Sunday a d'ailleurs révélé qu'à l'occasion d'un cours théorique, les officiers para avaient annoncé qu'il allait falloir tirer pour tuer lors des prochaines manifestations pour les droits civiques. C'est d'autant plus grave que les responsables du maintien de l'ordre savaient pertinemment que l'IRA avait donné l'ordre à ses militants de ne pas participer à la marche. Et en tout cas, s'ils y allaient, de s'abstenir de porter des armes. Ce qui a été respecté par les membres de l'organisation nationaliste. Fulvio Grimaldi, un photographe italien, a assisté à la tragédie du Bloody Sunday. Et voici ce qu'il a déclaré ensuite. « J'ai assisté à de nombreuses révolutions et guerres civiles, mais jamais à de tels meurtres commis de sang-froid. Un jeune homme blessé s'appuyait à un mur, hurlant « Ne tirez pas !» Un para s'est approché et l'a abattu à 1 mètre de distance. Un jeune de 15 ans protégeait sa compagne et agitait un mouchoir blanc. Le para qui est venu vers lui lui a tiré dans l'estomac et dans le bras de la jeune fille. Enfin, je vous recommande la lecture de l'excellent livre de Roger Faligo, « La résistance irlandaise », paru il y a quelques années aux éditions Terre de Brume, un ouvrage qui reste toujours d'actualité car il livre de précieuses informations sur le Bloody Sunday. Et du même auteur, je signale la parution toute récente au seuil des « Seigneurs de la paix », l'histoire des hommes qui travaillent discrètement à la résolution des grands conflits.